vérité m'a point soin. Tout le monde qui gain qu'est sensible, en vérité m'a point soin. Tout le monde qui gain charité, c'est pas monde qui gain qu'est dur. Moun ki pa vle pataje, se pa moun kap kritike, moun ki hypocrite. En vérité m'a point soin, tout moun ki genye kritif yo. En vérité m'a point soin, tout moun ki gen lan moun an kayo. Se pa moun kap touye lot, moun kap fè méchanceté. Se pa moun kap fè abu, moun ki rayi sa ba. Tout moun ki fè volonté papa myo, tout moun kap goumen pou mache dwat yo, tout moun ki gen bon lide nan tèt yo, men moun kap fè moun mal bay manti, tout moun kap mene yon vi san reproche, tout moun ki vizite moun malade yo, tout moun ki vizite prizonye yo, men moun kap juje trahizan mil. Prends soin. Parole céleste. Amen.